The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Endowed. Doté. Duty. La corvée. Already. D'ores et déjà. To develop. Mettre au point. Stunned. Saisi. To experience. Éprouvé. Devoid. Dépourvu. To set goals for oneself. Se fixer des objectifs. To unleash. Déclencher. To ease the workload. Alléger la charge de travail. Now, a bit faster. Stunned. Saisi. To unleash. Déclencher. Stunned. Saisi. Endowed. Doté. To ease the workload. Alléger la charge de travail. To set goals for oneself. Se fixer des objectifs. To develop. Mettre au point. Duty. La corvée. To ease the workload. Alléger la charge de travail. Endowed. Doté. To set goals for oneself. Se fixer des objectifs. To ease the workload. Alléger la charge de travail. Already. D'ores et déjà. Endowed. Doté. Already. D'ores et déjà. Devoid. Dépourvu. To experience. Éprouver. To unleash. Déclencher. Devoid. Dépourvu. To set goals for oneself. Se fixer des objectifs. Duty. La corvée. Now, use the words in context. Doté. The woman is blessed with an inexplicable charm. Cette femme est dotée d'un charme inexplicable. La corvée. Before she met the charming prince, that poor Cinderella had to deal with all the duties at home. Avant de rencontrer le prince charmant, cette pauvre Cendrillon devait s'acquitter de toutes les corvées chez elle. D'ores et déjà. These scientists have proven that climate change is already underway. Ces scientifiques ont prouvé que le changement climatique est d'ores et déjà en cours. Mettre au point. The researchers and mechanics of Ford took 3 years to develop a new engine. Les chercheurs et mécaniciens de chez Ford ont mis 3 ans pour mettre au point un nouveau moteur. Saisi. I was stunned since you entered the room. I was not expecting you. J'ai été saisie lorsque tu es entrée dans la chambre. Je ne t'attendais pas. Éprouvée. I experienced a lot of grief when he told me he had to go abroad for 5 years.